L'archéologie n'a pas vocation à se lancer dans la quête des esprits, hormis peut-être quelques préhistoriens qui, au cœur de la caverne hallucinée, tenteraient à leur risque et péril l'expérience de la transe chamanique. Le magazine d'archéologie de France Culture va pourtant s'y risquer au travers d'une unique question. Esprit gaulois, es-tu là ? Après l'émission « La préhistoire nous offre-t-elle les clés de nous-mêmes ?», tentons ce soir de retrouver en nous nos clés gauloises. L'esprit gaulois, voici une curiosité qui voudrait nous faire croire que les Français auraient hérité, au travers des siècles, de l'attitude des mœurs que l'on attribue à nos éventuels ancêtres. César, Posidonios en ont été les meilleurs biographes. Pour autant, l'archéologie aurait-elle contribuer à forger en nous cet étonnant esprit de liberté, parfois réfractaire. Pour en savoir plus, je suis allé chercher le plus fin connaisseur des Gaulois, homme d'esprit, et celui-là même dont j'aime à dire qu'il est, au cœur de son musée, l'incontournable gardien des reliques celtiques, vieille ferraille millénaire et rouillée, issue de l'ultime combat d'une Gaule libre et indépendante sur un lieu désormais silencieux, mais gardien de la mémoire du passé, Alésia. Laurent Olivier, bonsoir. Bonsoir Vincent Charpentier. Conservateur du département d'archéologie celtique et gauloise au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, nous connaissons vos recherches, vos publications, vos livres. Nous vous avons aussi récemment lu dans Marianne au travers d'un article par essence provocateur. Notre utopie gauloise est solide. Laurent Olivier, j'aimerais évoquer tout d'abord la création des symboles. Le plus beau, celui d'Alésia, n'a-t-il pas été créé par les archéologues ? On pourrait même dire qu'il était inventé par eux, au sens où on parle d'inventeur pour les découvreurs de l'archéologie. Ce qu'on est allé chercher là-bas, lorsque Napoléon III a lancé le programme de fouilles d'Alice Sainte-Reine en 1861, en fait, c'est la défaite de Vercingétorix. Et c'est la défaite de toute la Gaule face à la victoire romaine et face à la romanisation. En fait, c'est notre prétendue entrée dans la civilisation, le fameux « mal pour un bien » dont parlait Christian Guinaud. On aurait pu choisir Gergovie pour émettre la statue de Vercingétorix qu'avait commandé l'empereur, mais on ne l'a pas fait. C'est parce qu'on ne voulait pas magnifier la culture gauloise, qui devait s'effacer devant la civilisation romaine. C'est le même message d'ailleurs que Napoléon III adressait parallèlement aux indigènes d'Algérie. Entrez dans la civilisation, devenez franco-algérien. C'est la fameuse prise de la Smala d'Abdelkader par le prince d'Omal, et ce n'est pas du Pierre Dac, mais Abdelkader, c'est Vercingétorix. Oui, on le dénomme le Vercingétorix algérien. Et en fait, on fait dès l'époque de Napoléon III le parallèle entre la prise de la Smala, la fameuse prise de la Smala d'Abdelkader, et puis Alésia, la fameuse défaite de Vercingétorix, pour célébrer deux ennemis acharnés dans un cas de Rome et de l'autre de la France, qui finalement s'inclinent généreusement et courageusement devant le vainqueur et qui acceptent leur défaite et qui donc entrent dans la civilisation. En fait, la défaite d'Alésia est utilisée comme un prétexte à la colonisation française de l'Algérie. On les enferme quand même. En tout cas, ce que vous conservez, ce sont les épées rouillées d'Alésia, ce sont la représentation matérielle de ce symbole. On peut dire que c'est une sorte de reliquaire en fait de la résistance gauloise. Ce sont des objets qui sont extrêmement émouvants et extrêmement précieux, qui ont été récoltés à l'occasion des fouilles des lignes de siège de César par les fouilles de Napoléon III. Alors j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je crois qu'on a aux alentours de 750 monnaies gauloises récoltées donc sur les lignes de siège et puis à l'emplacement des camps romains en périphérie. Et puis le reste, l'armement romain et gaulois, et l'équipement militaire. Ça représente plus d'un millier de pièces, hein. Donc, alors évidemment, épées, humbeaux de boucliers, pointes de lance, pointes de pilum, éléments de cuirasse, outillage romain, clous de chaussures. Bref, il y a là une masse extraordinaire de mobilier qui témoigne d'un événement historique unique. Ce qui est une rareté dans l'archéologie, quand on peut raccorder un événement historique comme la bataille d'Alésia, le siège d'Alésia, et puis le matériel archéologique qui fonctionne avec. Vous avez des frondes au nom de Litavicus, le général adjoint de César ? Alors on a une balle de fronde au nom de Labienus, en fait, c'est Labienus, les gars de César, celui qui commande une des légions sur à Alésia. Et ces petites pointes à trois têtes que les Romains jetaient sur le terrain pour arrêter les charges? Alors ça, c'est une découverte récente hein, qui vient du programme de fouilles réalisé par Michel Redé et Sigmar von Schnurbein dans les années 90. C'est un type de matériel qu'on connaissait pas dans les fouilles du 19e qui avait porté sur les lignes d'investissement autour du plateau. C'est du matériel qu'on a trouvé plutôt à l'emplacement des camps et qui était disposé judicieusement à l'emplacement des entrées, donc pour ralentir l'assaut en masse de fantassins gaulois. C'est des objets tout à fait comparables à ceux que la police utilise aujourd'hui pour crever les pneus. Ce que vous présentez aussi dans votre musée, qui j'imagine est fermé, ce sont des maquettes donc du siège de réalisé pour Napoléon III. Alors on a une maquette qui a été réalisée par l'ingénieur militaire Jean-Baptiste Verchères de Réfy, qui était officier d'ordonnance de l'empereur, et qui a été réalisée, en fait c'est une maquette qui a été réalisée parallèlement aux fouilles, donc elle tire pas parti des observations de terrain. En fait elle a été réalisée d'après les descriptions de César pour reconstituer justement tout le dispositif avec ces pièges qui sont destinés à ralentir les charges de cavalerie, ensuite c'est les fosses qui contiennent des poteaux de bois avec des sortes de harpons métalliques, et puis le système de double fossé et le système de rempart édifié par les Romains pour empêcher l'armée de renfort de venir les submerger. Gergovie est l'unique victoire de Vercingétorix et fut un symbole très fort sous l'état de Vichy. Pour s'en faire une idée, on écoute le journal France Actualité du 4 septembre 1942. Illustré déjà par le courage et la vaillance de ceux qui gravèrent les premières pages de notre histoire, Gergovie devient aujourd'hui le symbole de l'unité française. Sur le plateau où Vercingétorix combattit, le soleil naissant éclaire ce matin les mouvantes cérémonies organisées par la Légion des combattants. Les terres venues de tous les coins de la France et de l'Empire sont réunies dans un mausolée dont la dalle sera scellée par le maréchal. Laurent Ligier, que pensez-vous de cette étonnante fête de l'unité nationale sur le plateau de Gergovie? Gergovie n'est pas choisi au hasard, hein. C'est le lieu de l'unique victoire des Gaulois sur les Romains. Et en fait, c'est une cérémonie pour enterrer Vercingétorix en réalité. C'est une cérémonie pour proclamer l'unité catholique de la France sous la houlette du maréchal Pétain. En fait, c'est une cérémonie pour dire que il faut pas soulever contre l'occupant. Faut l'accepter au contraire. Il faut être fier de nos belles provinces. En fait, c'est une profanation du symbole de Gergovie, en réalité. Alors, ce qu'on sait moins, c'est que parmi cette cérémonie des terres, hein, donc la collecte de tout cérémonieusement, on vient déposer une parcelle de terre de toutes les parties de l'Empire français, de toutes les provinces françaises, et parmi une de ces terres, il y a un petit peu de sédiment qui a été collecté dans la grotte des Trois Frères, si je ne m'abuse, par le comte Bégoin, donc quelque chose qui provient d'un site archéologique. Donc le symbole archéologique est encore présent. Oui, donc ça, c'est pour dire aussi que du plus profond du passé préhistorique, l'archéologie contribue aussi à la réunion des terres, symbole de l'unité nationale pétainiste. D'ailleurs, un certain nombre de préhistoriens seront fusillés à la libération pour leur rôle dans la milice et leur contribution à la répression de la résistance. En particulier Saint-Just Pécard, celui qui avait découvert ce fabuleux cimetière mésolithique à Théviec. Et le fouilleur du Madasil aussi. Oui, le fouilleur du Madasil. Et puis le couple Passemard, le mari et la femme, qui avaient fouillé, eux, Istiritz. Et puis cette grotte avec ses fabuleuses représentations, ses fabuleuses gravures du politique supérieur. Ils seront fusillés tous les trois, ce qui fait tout de même un peu désordre. Et d'autres collaborateurs passeront entre les mailles du filet. Tout à fait. Laure Olivier, dans Clermont-Ferrand figure une étonnante sculpture équestre de Vercingétorix due à Bartholdi et portant les inscriptions à Vercingétorix, au héros de Gergovie, j'ai pris les armes pour la liberté de tous. Nous sommes alors en pleine Troisième République. Oui, mais on est surtout après la guerre de 70 qui nous arrache l'Alsace-Lorraine. En fait, Napoléon III avait voulu montrer combien la conquête romaine avait été bénéfique grâce à un personnage hors norme auquel il se serait volontiers comparé, dont il aurait volontiers aimé être l'héritier, Jules César, un futur empereur comme lui. Mais là, c'est autre chose. Après la guerre de 70, on se rend compte que l'invasion d'une puissance étrangère qui démembre votre territoire, finalement, c'est pas si agréable que ça. Et c'est un déchirement, c'est un drame collectif, comme l'a été la conquête romaine. Donc c'est une relecture de la conquête. Et puis donc ceux qui luttent pour les libertés, et ceux qui perdent, c'est pas juste forcément des losers ou des médiocres. Ils deviennent des héros de la résistance, comme Vercingétorix. Et c'est exactement ce que cherche à montrer la statue de Bartholdi, dont n'avait pas voulu Napoléon III, et qui à l'origine était destinée à être placée sur le plateau de Gergovie, sous les pas du cheval de Vercingétorix était couché un légionnaire romain mort. Et en fait, si on ne l'a pas placé à Gergovie, mais sur la place de Jaude à Clermont-Ferrand, en fait, c'est parce que le symbole était trop fort et que le gouvernement ne souhaitait pas le promouvoir. Et le message aussi était peut-être un petit peu trop libertaire. Et d'ailleurs, pendant l'occupation allemande, elle sera cachée sous une enveloppe afin qu'on ne la voie pas et surtout qu'on ne puisse pas lire justement cette inscription qui aurait pu peut-être donner des idées à certains. Aujourd'hui, trois cités arvernes sont fouillées, Coran, Gondole, Gergovie, mais le symbole n'y est plus. Gergovie, en fait, c'est un endroit tout à fait unique parce que je pense que c'est un endroit où on se rassemble dans les périodes de crise, au moment où justement la liberté commune, pour parler comme Vercingétorix, est menacée. Et en fait, on connaît assez mal cette histoire, mais en juillet 1940, un groupe d'étudiants en histoire, en archéologie, et avec leur professeur de Strasbourg, de l'université de Strasbourg, qui est alors annexé au Reich, qui devient la Reich Université de Strasbourg, ce groupe d'étudiants et de professeurs, en fait, quitte Strasbourg et viennent s'installer à Gergovie pour y monter un chantier de fouilles, pour y fouiller justement l'oppidum de Gergovie. Et ce chantier de fouilles servira en quelque sorte de couverture à un maquis de Gergovie. Donc l'esprit de la résistance, en fait, je dirais qu'il s'incarne à Gergovie. Et c'est justement bien là le problème pour le régime de Vichy qui cherche à s'en emparer, à en faire tout au contraire le symbole de la collaboration, le symbole de l'oubli. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Laurent Olivier, le troisième haut lieu de l'histoire des Gaules est Avaricum, Bourges, qui ne représente en rien un symbole, peut-être justement parce que les archéologues non l'ont réellement pas encore fouillé. Je crois que c'est justement toute la force de l'archéologie, c'est qu'elle révèle le passé. Et ce qui s'est passé avec les fouilles de Napoléon III, justement, c'est que ça a révélé les lieux de la guerre des Gaules, ça a révélé Alésia, ça a révélé Gergovie, mais ça n'a pas révélé Avaricum. La révélation de ces sites, c'est quelque chose de tout à fait équivalent à ce qui se passe dans le monde méditerranéen avec les travaux de Schliemann qui révèlent Troie et Mycène. Jusqu'alors, c'était, j'allais dire, des cités d'une histoire. C'était dans l'Iliade d'Homère. De la même manière que les sites de la guerre des Gaules, c'était dans le récit de César. C'était pas dans la réalité. Là, l'archéologie les fait surgir dans le réel. Et en fait, à partir de ça, on peut aller voir, on peut se rendre compte à Alésia de l'étendue des travaux de fortification. On peut se rendre compte à Gergovie du caractère absolument imprenable du plateau sur lequel sont retranchés les arvernes et leurs alliés. Et en fait, ça change complètement. Ça fait entrer l'archéologie dans le réel. Et en fait, on peut dire qu'Avaricum est encore en sommeil dans le récit de César. Peut-être qu'Avaricum attend encore qu'on le tire de sa léthargie. L'ultime lieu mémoriel gaulois est de création récente, bien sûr. Il est un symbole fort de l'indépendance gauloise. Il s'agit bien sûr du mont Beuvray, l'antique cité de Bibracte. Je voudrais pas être rabat-joie, mais c'est tout de même un symbole particulièrement ambigu, Bibracte. Bibracte, c'est la capitale du seul peuple de toutes les Gaules dont les Romains ont dit qu'ils étaient leurs propres frères de sang. Et ils se sont d'ailleurs leurs alliés tout au long de la guerre des Gaules jusqu'à la défaite romaine de Gergovie, où à ce moment-là, ils retournent leur veste, ou plutôt leur saillon. Donc c'est pourquoi Bibracte, en fait, plus que d'être un symbole de la culture gauloise, c'est d'abord et avant tout, je dirais, un symbole de la romanisation de la Gaule qu'on met en avant pour dire, bah écoutez, vous voyez bien, la conquête, c'était tout de même pas un drame si terrible, puisque la Gaule était déjà là, de fait, à moitié romaine. Regardez ces masses d'amphores d'Italie, ces masses de vin exportés de Toscane. Regardez cette basilique romaine édifiée en plein 1er siècle avant Jésus-Christ. Regardez toutes ces demeures qui ressemblent à des domus. Et en fait, les Gaulois sont déjà demi-romains. Donc en fait, ça ne fait qu'acter un passage déjà en cours. Bibracte, et d'ailleurs c'est ainsi que Bibracte apparaît. Bibracte, c'est plutôt effectivement le symbole de la romanisation de la Gaule plutôt que le symbole de la civilisation gauloise. Le mont Beuvray, c'est aussi une anecdote qui sort dans la presse en mai 1995. François Mitterrand a acheté 100 mètres carrés au sommet de la cité gauloise, là où Vercingétorix fut élu chef des Gaules. Oui, c'est une volonté d'appropriation du site pour s'y faire enterrer, c'est-à-dire qu'on serait allé sur le sommet du mont Beuvray, non seulement pour visiter le site, mais aussi pour visiter la tombe de Mitterrand, ce qui est quand même un kidnapping de l'histoire assez fort et qui n'a comme précédent que celui de Pétain en 1942 à Gergovie. C'est toujours la légitimité de Vercingétorix, en fait, dont les deux cherchent à s'envelopper, à se draper à leur profit. Ils sont plus proches de l'un de l'autre qu'on ne le pense. Hein. La fameuse affiche de la force tranquille de 1981 avec ce petit clocher et le village en arrière-plan, en fait, c'est la reproduction d'une affiche de Pétain de 1941 qui disait « Suivez-moi, gardez votre confiance en la France éternelle ». C'est le même message, sauf qu'on ne dit plus « Suivez-moi », on dit maintenant « Votez pour moi ». Le Gaulois, nous, bien sûr, le percevons très bien, mais ce qui est plus curieux, c'est que dès l'Antiquité, on se représente les Gaulois, notamment Strabon, dans une sorte de vision passéiste ou intemporelle, un passé qui n'est probablement pas le leur. Alors ça, c'est intéressant parce que on voit ça dès le début. On voit ça chez Poseidonios, par exemple, au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui raconte des histoires qu'il n'a pas connues et qui remontent à une époque révolue de l'histoire gauloise. Ce sont des événements qui se passaient peut-être 3 ou 4 générations avant lui. Il y a une espèce de fascination chez les Grecs, en tout cas beaucoup plus que chez les Romains, pour la barbarie gauloise. On voit l'autre dans une espèce de fixité qu'il n'a pas. Et vous avez un parallèle avec ça tout à fait anachronique chez les Américains, par exemple, qui développent la même vision des Indiens dans leur littérature ou dans leur film, dans leur western. L'Indien, c'est lui aussi une personnalité immuable. C'est quelqu'un qui ne bouge pas, comme si les Indiens n'avaient pas d'histoire et qu'ils étaient toujours les mêmes depuis l'époque où les Américains se sont confrontés les premiers avec eux dans le courant des années 1850. Alors, ce qui est étonnant, c'est que les archéologues ont longtemps cherché dans le sol une histoire qui n'existait pas, celle d'un peuple quasi animiste. Ben, c'est d'ailleurs la raison précise pour laquelle on ne les trouvait pas, parce que en fait, on partait sur le terrain avec les descriptions des auteurs gréco-romains qui avaient dit que les Gaulois habitaient dans des cabanes à moitié souterraines, et avec le texte de la guerre des Gaules. Rendez-vous compte qu'il a tout de même fallu attendre les années 70 pour qu'on se rende compte que les Gaulois n'habitaient pas dans des fonds de cabanes comme on le croyait, mais dans des véritables maisons. En réalité, on imaginait qu'ils vivaient dans leurs fosses et potoirs. De la même manière, il a fallu attendre tout de même les années 80 pour qu'on se rende compte que les Gaulois avaient des sanctuaires à l'égal des sanctuaires des gréco-romains. Ce sont les fouilles de Jean-Louis Bruno à Gournay-sur-Aronde qui ont révélé ça. Et puis, encore plus récemment, il a fallu attendre 2011 pour que Mathieu Pou découvre, enfin ça s'est produit comme ça, hein, le premier véritable édifice public lié vraisemblablement à des réunions politiques, quelque chose qui ressemble à un théâtre des Grecs. En fait, on n'imaginait pas que ça ait pu exister auparavant. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne les cherchait pas. En fait, la vision du monde gaulois a été complètement transformée au cours, on pourrait dire, des 40 à 50 dernières années, pas plus. Laurent Ligier, quelque chose s'est-il transmis de la Gaule jusqu'à nous? Quelque chose que nous avons fait nôtre? Ben, je crois que il faut pas penser que on serait toujours gaulois. C'est idiot de penser ça, effectivement. Mais Hubert disait quelque chose de très profond. Il disait que les Gaulois nous ont légué des habitudes qui survivent à leur raison. Et il disait aussi qu'il fallait voir dans les Gallo-Romains des Celtes déguisés. Et ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose qui survit du passé. Il y a quelque chose qui se transmet, mais qui se transmet en se transformant. C'est pas la même chose. C'est quelque chose qui évolue. Et donc, on est peut-être nous aussi en quelque sorte des Celtes déguisés. En fait, en tout cas, ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'histoire gauloise, dans ce qu'en disent les Grecs et les Romains, c'est quelque chose qui continue à résonner profondément en nous. Et ce qui continue à résonner profondément en nous, c'est l'idée de la liberté commune dont parlait Vercingétorix. Et là-dessus, c'est bien à cela que c'est bien à l'injustice et à la domination qu'on est réfractaire. Ça continue à nous parler 2000 ans plus tard. Et je pense que c'est peut-être la chose la plus précieuse dans cette histoire. Pour vous, la Gaule n'est ni un peuple, ni un pays. La Gaule est une idée, un idéal commun, un rêve. Alors ça, c'est une très belle idée qui est développée par Camille Julian dans son Vercingétorix et dans son Histoire de la Gaule. Il avance l'idée qu'en fait, en combattant l'invasion romaine, les Gaulois ont pris conscience de ce qu'ils allaient perdre tous ensemble s'ils étaient vaincus. Et c'est l'idée qu'en s'unissant contre la catastrophe qui va arriver, ils ont réalisé ce qui les réunissait. Et j'aime beaucoup cette idée, l'idée que la Gaule, en fait, c'est plus une utopie qu'une réalité. C'est un projet à réaliser. Martin Luther King utilisait le mot de rêve. J'ai rêvé, il disait. Et c'est un idéal commun, en effet. C'est une chose en projet. C'est une chose à atteindre. D'ailleurs, comme l'est la Révolution et comme l'est la République. C'est probablement ça qui nous rassemble et qui nous rapproche des Gaulois. Cet idéal commun, c'est peut-être les gilets jaunes, ceux d'un peu partout, bien sûr, mais aussi ceux du rond-point de Clermont-Ferrand. Ah oui, alors ça c'est tout à fait extraordinaire. Vous rappelez un fait, une anecdote et très très très éclairante au pied de Gergovie, au moment des premières manifestations des gilets jaunes, ils avaient investi un rond-point sur lequel ils avaient placé une bannière qui disait ici Vercingétorix a vaincu Jules César, refaisons l'histoire. Et ça c'est fascinant parce que c'est comme s'il y avait une sorte d'inconscient historique. Les gilets jaunes, je pense pas qu'il y en avait beaucoup parmi eux qui avaient lu Camille Julian, mais ils n'avaient pas besoin parce qu'ils savaient très bien de quoi Camille Julian parlait quand il évoquait cette utopie de la Gaule. En fait, ce qui est fascinant, c'est de voir que chaque fois que la liberté commune, pour utiliser les mots de Vercingétorix, est menacée, en fait, les Gaulois appliquent, ils sont là, ils reviennent dans l'imaginaire. Et cette histoire de Gaulois réfractaires, en fait, c'est ça qui a mis le feu aux poudres. C'est parce que, en fait, les gilets jaunes se sont spontanément identifiés aux Gaulois de l'époque de Vercingétorix. Alors, dans un discours de 1987 que nous ne passerons pas, François Mitterrand évoque l'unité de la France à construire. Mais Laurent Olivier, ce que tente Vercingétorix pour la Gaule, c'est à peu près la même chose. Les Celtes craignent même qu'ils puissent s'accaparer le pouvoir à l'image de son père. Alors là, je crois qu'on s'est un petit peu fait intoxiquer par la propagande romaine. Il faut rappeler un petit fait d'histoire, c'est-à-dire que on se souvient que en 120 avant Jésus-Christ, les Romains annexent en fait le Midi de la Gaule. Et le Midi de la Gaule, ça avait toujours été le débouché économique des Arvernes. Narbonne était un de leurs débouchés économiques sur la Méditerranée. Et les Romains, en s'emparant du Midi de la Gaule, en fait, mettent les Arvernes sur surveillance. Ils mettent fin à leur régime monarchique, qui est très dangereux pour eux, et ils leur imposent un Sénat élu, qui est en réalité à leur botte. Et Celtillos, le père de Vercingétorix, en fait, il a sans doute voulu libérer les Arvernes de cette tutelle romaine en restaurant l'ordre ancien à l'époque où les Arvernes étaient maîtres de leur destin. Évidemment, ça n'était pas possible et il s'est fait éliminer, il s'est fait descendre par des compatriotes. Prends bien soin de préciser, César. Mais en réalité, c'est difficile de ne pas voir la main des services secrets romains derrière cette élimination. Alors César, justement, il nous donne des informations qui vont à contresens de ce qu'il voudrait nous faire entendre à propos des Gaulois, qui se comporteraient, comme on dit aujourd'hui, comme des électrons libres et qui donc, par conséquent, auraient besoin d'être cadrés, ce que serait destiné à faire les Romains. En fait, il explique que partout, il y a des conseils à tous les étages de la société gauloise. Il y a même un conseil de toute la Gaule qui réunit les peuples gaulois. Et surtout, ce qui est important, c'est que aucune décision ne se prend si elle n'a pas été approuvée collectivement. Alors ça, on le voit en particulier au moment du siège d'Alésia, où, quand l'armée de secours n'arrive pas, il faut prendre une décision. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, il y a un conseil qui est réuni, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas Vercingétorix qui réunit ce conseil, c'est sa collectivité. Et en fait, chacun exprime son avis, il y en a qui pensent qu'il faut se rendre, d'autres qu'il faut y aller une dernière fois et finir en beauté, et d'autres encore qui pensent qu'il faut pas bouger de là, quitte à manger les morts. On discute, et on s'explique, on s'écoute. Et puis à la fin, on prend une décision qui engage tout le monde, et on s'y tient jusqu'à la fin. Ça, c'est un exemple de la démocratie gauloise, je pense. On peut parler d'utopie gauloise, Laurent Olivier, en 5 secondes? Oui, c'est un idéal en fait, et je pense que c'est un idéal qui est toujours d'actualité. C'est un idéal selon lequel les gens qui nous gouvernent sont là pour assurer notre bien-être. C'est un idéal selon lequel l'économie est pas faite pour enrichir quelques-uns, mais pour profiter à tout le monde. C'est toujours quelque chose d'extrêmement actuel en fait, et c'est aussi pour ça que ça a toujours de la valeur pour nous en réalité. Où les femmes sont égales aussi, égales aux hommes. Où les femmes sont parfaitement égales aux hommes et même un petit peu supérieures. Et c'est d'ailleurs ce qui choquait les observateurs gréco-romains. C'est Strabon, je crois, qui dit que en Gaule, tout se passe à l'inverse de ce qui se passe chez nous les gréco-romains, sous-entendu. Eh bien, nous y reviendrons. Un grand, grand merci, Laurent Olivier. Carbone 14 était réalisé par Esther Valencic, à la technique Anthony Thomasson et bien sûr avec la collaboration de Jeanne Delecroix. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inera.fr. La semaine prochaine, nous évoquerons ma thèse en 5 ans avec Béline Pasquini.